Monsieur le fondé de pouvoir, attendez. Vous oubliez votre promesse. Vous me devez une confidence. Oui. Mais ce n'est même plus un secret. Je vais de ce pas congédier l'avocat. Quoi ? Congédier l'avocat ? Impossible ! Mais c'est la folie ! Vous avez fermé la porte à cause de Lenny. Elle me colle. Évidemment, vous êtes accusé. Je ne comprends pas. Tout accusé est beau à ses yeux. Elle les aime tous et elle est aimée de tous. Parfois, pour me distraire, elle me raconte ses histoires avec les accusés. Bizarre. Pas du tout. C'est un phénomène lié aux sciences naturelles. Les accusés sont beaux, tout le monde le sait. Ce n'est pas la culpabilité qui opère, non. D'ailleurs, ils ne sont pas tous coupables. C'est la procédure engagée contre eux qui les rend si beaux. Vous aviez quelque chose à me dire ? Oui. À partir de cet instant, je vous décharge de mon affaire. On reparlera de ce projet. Ce n'est pas un projet. C'est définitif. Je n'ai jamais eu autant de soucis que depuis que vous me défendez. Joseph, réfléchissez. Ayez confiance en moi. Votre oncle est un ami de longue date et je vous avoue que vous aussi, vous m'êtes devenu très cher. C'est vrai que vous m'avez communiqué des renseignements sur beaucoup de choses. Mais maintenant que le procès se rapproche de plus en plus de moi, tout en secret, cela ne me suffit plus. Au bout d'un certain temps, dans des cas comme le vôtre, il ne se passe plus grand-chose. Le procès de Franz Kafka. Feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain Meyrowitz. Une réalisation de Michel Sidorov. 9e épisode, La cathédrale. Avec Stéphane Valency, André Casalas, Audrey Meul. Vous avez confisqué mon procès, monsieur Hulde. Non content de l'avoir mal géré, puisqu'en tant qu'avocat, vous n'avez apporté aucun changement important, vous me tenez à l'écart, afin que je ne puisse pas intervenir. Résultat, un beau jour, un jugement sera rendu en mon absence. Désormais, je prends les choses moi-même en main. Mais rédiger une requête est un travail sans fin. Pour que cela soit efficace, il faut que K écrive l'histoire de sa vie entière. Tous ses gestes, tous les événements, jusqu'au moindre détail. Et après, apporter toutes les preuves. Malgré tout, le temps lui manquera encore. Où trouver la force avec ces migraines permanentes qui le tétanisent. En plus, je ne tire aucun avantage du fait que ce procès soit connu de tout le monde. Ceux qui ne se positionnent pas en juge pour me condamner aveuglément vont au moins essayer de m'humilier, ce qui sera nettement plus facile. En plus, chaque heure passée loin de son bureau est un calvaire. Au bureau, il ne peut pas non plus employer son temps comme auparavant. Il se donne beaucoup de peine pour faire semblant de travailler. Lorsqu'il m'arrive de penser au tribunal, il me semble qu'après l'avoir bien repéré dans l'obscurité, je pourrais prendre à revers cette vaste organisation impossible à saisir du regard, la déchirer puis la raser d'un seul coup. Mais ses soucis sont encore plus grands quand il n'est pas au bureau. Aujourd'hui, journée glaciale avec de fortes pluies. Alors que K se sent en sécurité au bureau, il est chargé de montrer des monuments historiques de la ville à un Italien, important client de la banque. S'il a accepté, c'est uniquement pour renforcer sa réputation à la banque. Mais ça va lui demander de fournir un gros effort. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de missions dont le but, c'est ce que pense K, était de l'éloigner du bureau pour pouvoir vérifier son travail. Refuser ses missions revenait à avouer sa peur. Peur de ne pas pouvoir, à son retour, retrouver sa place. K reconnaît le côté exagéré de cette pensée, mais elle l'opprime tout de même. C'est moi, Lenny. Comment tu vas? Mal à la tête. Et tes poumons? Et ton procès? Il va. Je ne peux pas rester en ligne, Lenny. Il faut que j'aille en ville avec un client. Où ça? À la cathédrale. La cathédrale? Pourquoi la cathédrale? Pourquoi la cathédrale? Parce que la banque m'a chargé de servir de guide touristique. On s'est donné rendez-vous à la cathédrale. C'est tout. Ce n'est pas tout. Joseph, il te traque. Je dois m'en aller, Lenny. Oui, je sais. Il me traque. K arrive à l'heure prévue, à 10 heures, mais l'Italien n'est pas encore là. Il reste un moment sous la pluie, puis entre par le portail principal. Il fait le tour de l'intérieur de la cathédrale, mais ne trouve son hôte nulle part. K repère un bedeau qui fait sa ronde, allumant les cierges, et puis un prêtre qui monte à la chaire comme s'il allait faire un sermon. Pourtant, l'église est vide. Un silence règne dans cette immensité, immensité qui lui semble à la limite de l'humainement soutenable. Puis... Joseph K. K regarde le sol sans réagir. Il est encore libre. Il peut bien sortir par une des trois portes en bois près de lui. Cela montrerait qu'il n'a pas compris, ou bien qu'il préfère ignorer l'appel. Par contre... Au moment où il se retourne un tout petit peu en direction de la voix, il admet être celui qu'on a appelé et qu'il a envie d'obéir. Comme le prêtre ne l'appelle pas une deuxième fois, K tourne sa tête très légèrement et voit que le mouvement de sa tête a bien été remarqué. Tu es Joseph K ? Accusé ? Oui. Je suis le meunier de la prison. C'est moi qui t'ai fait venir ici. M'a fait venir? Mais l'Italien... Quel Italien? Ton procès va très mal. Le sais-tu? Il me semble. Je fais tout mon possible, mais je n'ai pas encore terminé d'écrire ma requête. Comment en veux-tu l'issue? J'ai toujours été convaincu que cela se terminerait bien. Mais maintenant, je commence à avoir des doutes. Tu le sais, toi? Je crains que ça ne finisse mal. Il est probable que ton procès ne dépassera pas un tribunal de première instance. On est convaincu de ta culpabilité, et tout le monde la tient comme établie. C'est faux. Je ne suis pas coupable. Un être humain ne peut pas être coupable. Et nous sommes tous des êtres humains. Vous, les coupables, vous dites toutes la même chose. Tout le monde présume de ma culpabilité. Tous ceux qui prennent part au procès. Et en plus, ils donnent leur opinion à des gens qui, eux, n'ont rien à voir avec. Ma position devient intenable. Tu comprends mal. Le verdict ne tombe pas d'un seul coup. C'est le procès qui se transforme, avec le temps, en verdict. Le verdict ne tombe pas d'un seul coup. C'est le procès qui se transforme avec le temps en verdict. Que comptes-tu faire maintenant? Chercher de l'aide. Il y a encore des stratégies que je n'ai pas encore tentées. Tu en cherches trop, en dehors de toi-même. Surtout auprès des femmes. Ce n'est pas de l'aide véritable. Si. Les femmes ont un grand pouvoir. si je fais en sorte de convaincre certaines femmes de ma connaissance de travailler pour ma cause, je réussirai, surtout auprès de ce tribunal rempli de coureurs de jupons. Si je montre une de ces femmes, même de loin, au juge d'instruction, il renversera l'estrade et l'accusé avec pour arriver plus vite à l'audience. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez, bonté divine. K a contrarié le confesseur. Dommage. Il aurait pu apprendre avec lui, non pas comment gagner le procès ou l'influencer, mais comment le contourner, comment vivre avec. S'il connaissait une sortie, il le dirait sûrement. Même s'il appartenait au tribunal, et même si K venait à l'instant de l'attaquer. Dehors, le mauvais temps persiste. Ce n'est même plus la journée obscure qu'il a quittée pour rentrer dans la cathédrale. Maintenant, c'est une nuit profonde. Tu ne veux pas descendre ? Je m'impose la distance pour éviter les risques d'être influencé. Maintenant, je descends. Attends, je décroche une lampe. Je n'ai pas besoin de sermon, juste un peu de ton temps. Autant que tu veux. Tu es le seul homme du tribunal qui me traite avec gentillesse. J'ai enfin confiance en quelqu'un. Je peux te parler ouvertement. Pas d'illusion. Tu comprends mal le tribunal. Et tu ne connais pas les écrits fondamentaux de la loi. Quels écrits ? Écoute, devant la porte de la loi se tient un gardien en manteau de fourrure avec un long nez pointu et une barbe de tartare. Un campagnard arrive et veut entrer. Pas maintenant, oppose le gardien. L'homme demande, plus tard, possible, répond le gardien. Tu peux bien essayer d'entrer malgré l'interdiction. Mais remarque que même si je suis puissant, je ne suis qu'un gardien de bas étage. À l'intérieur, de salle en salle, se trouvent des gardiens, les uns plus puissants que les autres. L'homme de la campagne ne comprend pas pourquoi la loi n'est pas accessible à tout le monde. Il s'assoit sur un tabouret et attend la permission d'entrer. Il attend 10 jours, des années. Il fait tout pour pouvoir entrer. Il argumente, il supplie, il offre même au gardien des cadeaux. J'accepte, lui dit le gardien, seulement pour te prouver que tu as tout tenté et rien nommé. Les années passent. L'homme regarde sans cesse le gardien et il oublie les autres gardiens et les autres portes à l'intérieur de la loi. Si dans les premières années, il a maudit à haute voix le hasard qui a posté le gardien devant la porte, maintenant, il ne fait que marmonner. L'homme redevient enfant. Il joue avec les puces qu'il trouve dans le col de fourrure du gardien et les implore de l'aider à passer la porte. Il n'a plus longtemps à vivre. Presque aveugle et sourd, dans l'obscurité, il voit une lueur apparaître par la porte de la loi. Soudain, toute sa vie passée auprès de la porte défile devant ses yeux pour former une seule question. Tu es insatiable, dit le gardien. Que veux-tu savoir maintenant? Tout le monde veut accéder à la loi, demande l'homme. Pourquoi durant toutes ces années, personne d'autre que moi ne voulait rentrer? Le gardien se rend compte que c'est la fin, se penche vers le vieux et hurle. Personne d'autre ne pouvait entrer par cette porte. Cette porte t'était destinée à toi seul. Maintenant, je pars et je la verrouille. Le gardien a trompé l'homme. Ne sois pas pressé. Pas de point de vue sans réflexion. Le gardien lui a communiqué l'essentiel quand il était trop tard. Mais le campagnard n'a pas posé la question avant. Le gardien n'a fait que son devoir. C'était son devoir peut-être de refouler les intrus, mais il aurait dû laisser entrer l'homme. Tu n'as aucun respect pour la loi. Et de plus, tu changes l'histoire. Reprenons. Le gardien fait deux déclarations à l'homme. Tu ne peux pas entrer maintenant. Et cette porte t'était destinée à toi seul. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux phrases. Les sages nous disent comprendre quelque chose, alors même qu'on se méprend, n'est pas à exclure. Comprendre quelque chose, alors même qu'on se méprend, n'est pas à exclure. Le gardien, saisi de pitié, donne un espoir hypothétique en répondant « possible ». Il ne joue pas le fonctionnaire officiel. Il subit, avec beaucoup de patience, les demandes incessantes du campagnard. Il accepte avec élégance les cadeaux offerts. Tous les gardiens n'auraient pas eu ce genre de comportement. Donc, il n'a pas trompé l'homme. C'est un point de vue. Quant à l'interprétation de l'écriture, il y en a tellement, il vaut mieux s'en méfier. Ces opinions sont parfois l'expression du désespoir. Il y a même une interprétation selon laquelle c'est l'homme qui trompe le gardien. Comment ça? Le gardien est un fonctionnaire. Il a ordre de garder cette entrée. Le campagnard est un homme libre. Et l'homme libre est supérieur à l'homme dépendant. Il peut se déplacer librement et volontairement. Seule, la porte de la loi lui est interdite. Mais il choisit de rester là. Assis sur son tabouret, toute sa vie, le pauvre gardien, par conséquent, doit rester aussi, debout, et subir tous les caprices de l'homme. Et n'oublie pas, le gardien est au service de la loi, mais uniquement face à cet homme-là, et devant cette porte-là. Effectivement, c'est le gardien qui a été trompé. Pourtant, il n'y a dans l'illusion de la porte de la loi rien de néfaste pour le gardien, tandis qu'elle est mille fois plus nuisible pour le campagnard. Quoi qu'il en soit, le gardien de la porte sert la loi. Il lui appartient. Il est au-dessus de tout jugement humain. Ça, je ne l'accepte pas. Cela voudrait dire que tout ce que dit le gardien est vrai. Non, pas vrai. Seulement nécessaire. C'est triste. Un monde bâti sur le mensonge. K est trop fatigué pour suivre tous les rebondissements de l'histoire, toutes les réflexions irréelles, plutôt dignes d'un fonctionnaire du tribunal que de lui. L'histoire elle-même est devenue amorphe pour lui. Il a été entraîné dans un monde de pensées complètement étranger pour lui. Et maintenant, il lui tarde de s'en débarrasser. Est-ce que l'aumônier est comme tous les autres, qui ne parle que par allusion du procès de K pour le convaincre à la fin de cette terre? Où es-tu? Je suis là. Je ne te vois plus. Tu as laissé ta lampe s'éteindre. Montre-moi la sortie. Je ne la trouverai pas tout seul dans cette obscurité. Sommes-nous à l'entrée principale? Tu veux déjà partir? Oui. On m'attend. Je suis fondé de pouvoir à la banque. Je suis venu ici pour montrer la cathédrale à quelqu'un qui n'est pas venu. Longe le mur et tu y arriveras. Attends! Tout à l'heure, tu étais si gentil avec moi. Et maintenant, tu es aussi méchant que tous les autres. Tu sais bien qui je suis? L'aumônier de la prison. Qui appartient au tribunal. Et tu ne veux plus rien de moi? Qu'est-ce que je pourrais bien vouloir de toi? Le tribunal ne veut rien de toi. Il t'accueille quand tu arrives et te laisse partir quand tu t'en vas. Le tribunal t'accueille quand tu arrives et te laisse partir quand tu t'en vas. Avant, d'entendre son nom procurait du plaisir à K. Maintenant, cela lui fait horreur. Tout le monde connaît Joseph K. Même des gens qu'il rencontre pour la première fois. Comme s'il fallait être connu avant de se présenter. La lettre K elle-même, sa sonorité, sa présence sur une page d'écriture, commence à le dégoûter. Il la trouve laide et grossière. C'était « Le procès » de Franz Kafka, feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain Meyrowitz. 9e épisode, La cathédrale, avec Stéphane Valency, K, André Casalas, l'aumônier, Audrey Meul, Léni. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Lagniel, Emmanuel Armingue. Assistant, Guy Peramore. Réalisation, Michel Sidoroff.